rien ne va, rien ne va. Il fait chaud, il fait froid. J'ai mal à tête des fois aux doigts. Pourquoi t'as dit ça? Rien ne va, rien ne va. J'ai une poussière dans l'œil droit. Je me mouche tout ce gras. Ça n'arrive qu'à moi. Rien ne va, rien ne va. Ne va. C'est n'importe quoi. J'suis ballonné et j'pète pas. Et quand j'pète, tu es là. Rien ne va, rien ne va. Quand j'm'approche, tu t'en vas. Quand j't'approche, tu t'en vas. Quand on s'approche, on se dit quoi? Rien ne va, rien ne va. Ne va. Peinture sur les doigts. Même quand je nettoie, ça part pas. Rien ne va, rien ne va.